Hey yo! Yo! 4-5-0! Slash! Catastrophe! Sness! Hey yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo. Yo. Au début du sketch, j'ai ça ramassé de bébus. C'est là que j'ai vu qu'il fallait pas laisser le monde déçu. Slash! C'est là pour raisonner qu'il faut se perfectionner. Je coupe sa coupe, je laisse l'aime s'y sectionner. Au début ce que je disais, c'est un ramassé de bébus. C'est là que j'ai vu qu'il fallait pas laisser le monde déçu. Sness! C'est là pour raisonner qu'il faut se perfectionner. Je leur coupe sa coupe, je laisse l'aime s'y sectionner. Quand j'ai commencé, je faisais juste penser à rimer. Mais j'ai changé, pour devenir grand des croûtes, j'en ai mangé. A star, mes doubles rimes donnent des troubles d'estime, pis ça va hanter ceux que ça a pas chanté. Ça fait déjà 6 ans, pis j'ai rimé tout long, c'est fou, non? Si mes rimes étaient du houblon, tout le monde serait sous l'eau. Mais je me souviens encore du sang, comme disait de faire du vent. A star, mes rimes sont cruelles, c'est parce qu'il faut voir du sang. Je veux parler du sujet brûlant qui laisse les gens fumants. J'assassine les mots, c'est ça qui fait de moi un truand. Je me souviens de mes débuts comme si c'était hier. Mes textes étaient remplis de bévues, mais j'en étais fier. J'ai juste besoin de mon sacrement de crayon. Je peux éliminer les fakes à grands rayons. Les pop au Québec, y'en a qui trouvent que ça surfe. Puis pour toutes les autres, ben y'attend des catastrophes. J'ai commencé à rapper dans mes pensées. De penser mon temps à cracher les paroles insensées. Mais quand c'est le temps d'avancer, l'élévation est lancée. À 12 ans, souvent, voire en tout temps. Pratiquant mes langues en trouvant des rimes, je sous-entends que j'écrivais en anglais. Je dérivais ce que je pensais, imitant le style de mes racines. Maintenant, c'est la fine pointe du talent, buzzant comme la mescaline. C'est tout, mais si on ose la question, se pose. En 6 années, qu'est-ce que ça n'est pour moi faire élever comme ça? J'ai que les paroles des CD scores ça. Le zéro F, l'importance des mots. Mémorisant ses flots préférés, devenant un héros. Des tons ironiques, égo, un nom fumeur tenant un mégo. Des jeux de mots, pis des figures de style, mixture hostile. Mille façons de tuer, comme la visure de ville. L'habitude des kills, en plus, je manipule les rimes. Après, j'ai appris que je veux pas cracher puis rester assis. Ça prend de l'énergie, je m'éternis jamais. Mais je fais sûr que chacun est servi, pétrifié, éterni. Au début, tout ce que j'ai, ça ramasse de bébus. C'est là que j'ai vu qu'il fallait pas laisser le monde déçu. C'est là pour raisonner qu'il faut se perfectionner. Je coupe sa coupe, je laisse l'aime s'y sectionner. Au début, ce que je disais, c'est un ramassé de bébus. C'est là que j'ai vu qu'il fallait pas laisser le monde déçu. C'est là pour raisonner qu'il faut se perfectionner. Je leur coupe sa coupe, je laisse l'aime s'y sectionner. Catastrophe, les meilleurs rimeurs en primeur. On délivre la marchandise comme deux livreurs. C'est un principe, j'ai les textes simplistiques. Je trouve ça aussi ironique qu'un saint qui se pique. C'est courant, tout le temps, que je laisse les fakes mourir. Mentir, c'est souffrant, mourir, c'est trop souvent. Ayez pas la mauvaise habitude d'avoir l'attitude. Quand vos rimes sont d'une platitude, comme la télékinésie, je suis là pour faire bouger des choses. C'est une job addictive, parce que je le fais sans pause. Je mange les hip-hop à grande dent, ça me laisse mordu. J'ai pas ce qu'elle est crochi, mais quand je rime, je suis tordu. Les rimes, je les ai maîtrisées au fil des années passées. Je me suis amélioré sans relâche pour succéder. Je compte plus les styles que j'ai pondu tout le long du temps, dont je suis encore confus. À ceux qui disent que rapper vient de ça, mais mon cul. Ça prend de la pratique, apprendre les classiques jusqu'à temps que la fatigue s'en mêle. Puis en se réveillant, utiliser des batailles jusqu'au champ dramatique. Puis t'essayes, sans pour autant avoir comme but d'éviter d'avoir à checker ta paye. Faut rapper parce qu'on aime ça, en studio live ou sur un pentium. Pour être dévoué au lieu d'être minable, faut jouer avec les syllabes. Inventer un style, être capable de déjouer toutes les barricades. Perforer après avoir exploré, instaurer des pertes, mais se restaurer. Interroger puis se questionner, s'interroger sur l'ironie. Dire des conneries sans déconner. Pendant ton qui vit, vient vire, revoltement de mes vannes verbaux. Mais vraiment pas invaincu, j'ai perdu bien du temps. Pensais que je vous battais toutes, j'étais proche à mon insu. Puis là je peux cracher des pages, faire enrager les sages. Des masses les visages, juste le thème de ma voix. Des places des villages, efface les criages. Si t'es pas de notre bord, soit que t'affrontes la clique ou t'endures les claques et dégage. Au début, tout ce que j'ai, ça ramasse et bébus. C'est là que j'ai vu qu'il fallait pas laisser le monde déçu. C'est là pour raisonner qu'il faut se perfectionner. Je coupe sa coupe, je laisse l'aime s'y sectionner. Au début, ce que je disais, c'est un ramassé de bébus. C'est là que j'ai vu qu'il fallait pas laisser le monde déçu. C'est là pour raisonner qu'il faut se perfectionner. Je leur coupe sa coupe, je laisse l'aime s'y sectionner.